En effet, Stidmann, qui resta quelques instants rue Vanneau, fit sortir Venceslas et lui fit signe de venir promptement. Après avoir raconté la tragédie qui se jouait rue Saint-Dominique, Stidmann gronda Steinbock de ne l'avoir pas prévenu de garder le secret sur le dîner de la veille. « Je suis perdu, » lui répondit Venceslas, « mais je te pardonne. J'ai tout à fait oublié notre rendez-vous ce matin, et j'ai commis la faute de ne pas te dire que nous devions avoir dîné chez Florent. Que veux-tu? Cette Valérie m'a rendu fou. Mais mon cher, elle vaut la gloire, elle vaut le malheur. Ah, si! Mon Dieu, me voilà dans un terrible embarras. Conseille-moi. Que dire? Comment me justifier? » « Te conseiller? Je ne sais rien, » répondit Stidmann. « Mais tu es aimé de ta femme, n'est-ce pas? Eh bien, elle croira tout. Dis-lui surtout que tu venais chez moi pendant que j'allais chez toi. Tu sauveras toujours ainsi ta pose de ce matin. Adieu. » Au coin de la rue Hillerin-Bertin, Lisbeth, avertie par Reine et qui courait après Steinbock, le rejoignit, car elle craignait sa naïveté polonaise. Ne voulant pas être compromise, elle dit quelques mots à Venceslas qui, dans sa joie, l'embrassa en pleine rue. Elle avait tendu sans doute à l'artiste une planche pour passer ce détroit de la vie conjugale.